الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on commence maintenant notre cours numéro 101 dans l'explication du livre de Cheikh Mohammed ibn Saleh Al-Uthaymeen, عقيدة أهل السنة والجماعة. Et donc c'est le charh عقيدة أهل السنة والجماعة du Cheikh Ibn Uthaymeen, qui explique son propre livre. On est arrivé donc à l'explication des thamarat, des fruits qui découlent, ou des fruits que produisent la foi en les 6 piliers de la foi. Et on était rendu à la question de Al-Iman ou Bil-Kutub, la foi en les livres, et qu'est-ce que ça ramène comme fruit pour le croyant. Et le troisième fruit qu'on va mentionner maintenant, c'est Thalithan Shukru Ni'matillahi Ta'ala ala Dhalik. Shukru Ni'matillahi Ta'ala ala Dhalik, c'est-à-dire que nous allons. Par conséquent, une fois qu'on a compris que Allah subhanahu wa ta'ala a manifesté sa sagesse et également qu'il s'est préoccupé de sa créature, hein, en envoyant ces livres-là, on voit donc qu'il est miséricordieux et qu'il veut le bien pour ses créatures. Et il faut donc également qu'on soit reconnaissant et de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour cette grâce. Et Cheikh Ibn Uthaymeen, il dit, يعني من ثمرات الإيمان بالكتب أن تشكر الله جل وعلا على هذه الكتب التي أنزلها الله على الرسل إذ لولا ما عرف الناس إذ لولاها ما عرف الناس كيف يعبدون الله على الوجه الذي يرضاه لكن الله تعالى من نعمته ورحمته بخلقه أنزل هذه الكتب فإذا علمت ذلك أوجب لك شكر نعمة الله تعالى على هذه الكتب. Donc le cheikh, il dit que parmi les fruits qui viennent de la foi en les livres d'Allah subhanahu wa ta'ala, les livres qu'il a révélés, il y a le fait d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour ses livres qu'il a envoyés sur ses messagers, puisque sans ces livres, les hommes n'auraient pas pu connaître comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala de la manière qui est correcte et d'une manière qu'il a agréée. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce et par sa miséricorde pour sa créature, il a fait descendre donc ses livres. Et donc si tu connais, hein, si tu sais ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné, eh bien ça oblige que tu dois être reconnaissant envers cette grâce que Allah t'a faite d'avoir envoyé ces livres. Et il dit وَلِيَعْلَمْ أَنَّ الشُّكْرَ يَتَعَلَّقُ بِاللِّسَانِ وَالْجَوَارِحِ وَالْقَلْبِ وَلَا يَكُونُ إِلَّا فِي مُقَابَلَةِ نِعْمَةٍ وَالْحَمْدُ يَخْتَصُّ بِاللِّسَانِ وَالْقَلْبِ ويكون في مقابلة نعمة وغيرها فبين كل واحد منهما عموم فبين كل واحد منهما عموم وخصوص من وجه فالشكر يتعلق بالقلب حيث يؤمن الإنسان بأن هذه النعمة فضل محض من الله جل وعلا ليس له بها كسب وأن الله تعالى هو المستحق للشكر عليها وأما اللسان فعبر الله عنه بقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث وأما الجوارح فأن تقوم بطاعة الله عز وجل فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله فجعل الشكر في مقابلة العمل الصالح، فدل هذا على أن العمل الصالح شكر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. Donc ici le cheikh il explique que également le croyant il doit savoir que la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala elle est rattachée ou bien elle est reliée à la langue, au corps et au cœur. Donc c'est-à-dire que lorsqu'on veut faire ash-shukr, le remerciement ou la gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien on le fait soit avec la langue et le cœur et le corps, les trois ensemble. Et il dit que tandis que en ce qui concerne ash-shukr, le remerciement ou la gratitude, c'est avec le cœur, la langue, le cœur et le corps, et c'est en retour d'avoir reçu une grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on est reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour une grâce qu'il nous a donnée. Tandis que al-hamd, donc il explique ici la différence entre ash-shukr et al-hamd. Et il explique donc que les deux sont différents, ce n'est pas la même chose. Et parmi les différences qu'il y a entre ash-shukr, qui est le remerciement, et al-hamd, qui est la louange et la glorification, eh bien c'est que la glorification et la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est spécifique à la langue et au cœur. Et qu'elle peut être faite en retour d'une grâce, ou autre qu'une grâce. C'est-à-dire qu'on va dire Alhamdulillah, pas seulement pour quelque chose qui est une grâce que Allah nous a donnée, même pour un malheur qui nous touche, on dit Alhamdulillah. Ça, c'est différent du shukr. Shukr, c'est seulement pour une grâce. Et il dit فَبَيْنَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مِنْ وَجْهِ. C'est-à-dire qu'entre les deux, entre le shukr, la reconnaissance, et Alhamd, qui est la glorification, il y a des choses qui sont en relation entre les deux. Il y a des choses semblables de façon générale et de façon particulière. Il y a des choses différentes aussi, de façon générale et de façon particulière. Et donc, il explique ici que, par exemple, Ash-Shukr, c'est avec le cœur, du fait que le croyant, il reconnaît dans son cœur que cette grâce, elle vient uniquement d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il n'a rien, il n'a rien fait pour acquérir cette grâce-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui mérite tout le remerciement pour cette grâce. Tandis que quand on fait le remerciement d'Allah par la langue, Allah subhanahu wa ta'ala, il en a fait mention dans surat ad-Duha, le verset 11, lorsqu'il dit « Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith » Et en ce qui concerne la grâce d'Allah, la grâce de ton Seigneur, alors parle-en. Parle de cette grâce. Et c'est le fait de mentionner cette grâce qui est une glorification et un remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en ce qui concerne le remerciement d'Allah par le corps, eh bien c'est de mettre en pratique l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala suite à cette grâce que Allah nous a faite. Et l'exemple que le cheikh a mentionné à ce sujet-là, c'est dans les versets 51 dans Surat al-Mu'minun et le verset 172 dans Surat al-Baqarah. Et dans le premier, Surat al-Mu'minun, il dit « Ô vous les messagers, mangez des bonnes choses et faites les bonnes œuvres. » Et dans l'autre verset, qui est le verset 172 dans Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux croyants. Il dit « Ô vous qui avez cru ». Mangez des bonnes choses que nous vous avons données comme subsistance et remerciez Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a fait donc de la reconnaissance et de la gratitude qu'on a vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit quelque chose qu'on fait en retour de la grâce que Allah nous a donnée, on fait les bonnes œuvres. On fait des bonnes œuvres pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça, c'est la preuve que les bonnes œuvres qu'on fait sont une forme de gratitude et de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith qui est rapporté par l'imam muslim, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc il dit que Abu Huraira, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné aux messagers. Et il a mentionné justement les deux versets dans Sourate Al-Mu'minun et dans Sourate Al-Baqara. Le premier est adressé aux messagers et le deuxième adressé aux croyants. Et donc Allah a ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné aux messagers. Ensuite, le cheikh il dit, فهذه ثلاث متعلقات أو ثلاث متعلقات ولهذا قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا والضمير المحجبا أو الضمير المحجب هو القلب ومعنى أفادتكم هذه الثلاثة أنكم ملكتموني في مشاعري ومقالي وفعالي والحمد يكون باللسان والقلب لكنه يكون مقابل نعمة وفي مقابل كمال المحمود وفي مقابل كمال المحمود فنحن نحمد الله جل وعلا لكمال نعمته علينا ولكمال أوصافه سبحانه وتعالى التي يستحق بها الحمد فصار هذا أضيق من الشكر باعتبار متعلقه وأعم من الشكر باعتبار سببه فالشكر سببه النعمة والحمد سببه النعمة وكمال المحمود. Donc ici le cheikh il explique que les trois choses pour lesquelles on remercie Allah subhanahu wa ta'ala sont ou par lesquels on remercie, on est reconnaissant envers Allah, c'est la langue, le cœur et le corps. Et il mentionne les paroles d'un poète qui font allusion justement à cela. Qui mentionne donc que par le bien que vous m'avez fait, vous avez bien agi envers moi et donc par conséquent, vous méritez que je sois reconnaissant envers vous par ma main, par ma langue et par mon cœur. Hein? Et il dit donc le cheikh que tandis que Alhamd, c'est soit par la langue et par le cœur. Et c'est pas seulement en retour d'une grâce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée. Mais c'est aussi en retour de tout ce qui est louable, de tout ce qui est louable de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait. Et on sait très bien que toutes les œuvres et tout ce que Allah fait, toutes les actions d'Allah sont louables. Et tout ce que Allah fait est louable. Et il est louable en lui-même. Il est Al-Hamid. Al-Hamid, c'est-à-dire le digne de louange. Donc il est par lui-même digne de louange. Donc nous devons glorifier Allah subhanahu wa ta'ala pour la perfection de sa grâce sur nous et également pour la perfection de ses caractéristiques et de ses attributs par lesquels il mérite justement cette louange. Et donc, c'est quelque chose qui indique que la glorification ou alhamd, c'est plus restreint que ash-shukr par rapport aux choses auxquelles elle est reliée. Mais c'est plus général que ash-shukr par rapport à la cause pour laquelle on on glorifie Allah subhanahu wa ta'ala puisque on remercie Allah et on a la gratitude envers Allah et ash-shukr ça c'est à cause d'une grâce seulement tandis que alhamd c'est pour tout pour toutes les grâces et en plus de ça pour tout ce qui est louable de ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait et de ce qui du fait qu'il est louable par lui-même. Et ensuite le cheikh il mentionne un autre point, il dit mas'ala man ittakala 'ala as-sabab fi husul an-ni'am hal yakunu shakiran? Al-jawab la li'annahu lam yaqum fi qalbihi khalis ash-shukri. يعني كثير من الناس إذا عالجه طبيب من الأطباء وشفي من المرض تجده نسأل الله السلامة والعافية يحب الطبيب على هذا وربما أكثر مما يحب الله لأنه يشتغل بالسبب وينسى المسبب وهذه هذه مسألة خطيرة جدا على الإنسان فأنت إذا شفاك الله على يد إنسان إما بقراءة أو معالجة فقل الحمد لله الذي شفاني على يد هذا الرجل واشكر لهذا الرجل بقدر ما فعل من السبب ولا تنسى الله عز وجل فكثيرا ما يعالج الإنسان بأشد الأدوية تأثيرا وأعلم الأطباء خبرة ومع ذلك لا يشفى إذن الشفاء بيد الله وما هذا الطبيب إلا سبب. Donc la question ici qui a été posée, c'est celui qui se repose sur la cause pour obtenir une grâce, est-ce qu'il est reconnaissant envers Allah? C'est-à-dire qu'il se repose uniquement sur la cause, sur une créature, hein, pour obtenir une grâce quelconque. Est-ce qu'il est reconnaissant dans ce cas-là? Est-ce qu'il a été reconnaissant envers Allah? Et la réponse, c'est que non, il n'a pas été reconnaissant envers Allah puisqu'il n'y a pas eu dans son cœur une reconnaissance et une gratitude pure envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit que la raison de ça, c'est qu'il donne un exemple. Il dit, il y a beaucoup de gens, par exemple, quand un médecin les guérit d'une maladie ou leur donne un traitement pour une maladie quelconque, et que les personnes en question sont guéries de cette maladie-là, eh bien, on voit qu'Allah nous épargne, nous préserve de ça et nous pardonne, que certains d'entre eux, ils vont aimer le médecin qui les ont traités à cause de ça, plus qu'ils aiment Allah. Et parce qu'ils donnent plus d'importance à la cause et ils oublient celui qui est à l'origine de cette cause. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une question qui est très dangereuse pour une personne parce que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala te guérit par la main d'une créature quelconque soit, par le fait qu'il est réciter sur toi le Coran ou qu'il ait fait la ruqya sur toi ou bien qu'il t'ait guéri ou traité par un remède quelconque, eh bien il faut que tu dises Alhamdulillah alladhi shafani ala yadi hadha ar-rajul, c'est-à-dire louange à celui qui m'a guéri, c'est-à-dire louange à Allah, celui qui m'a guéri par la main de cet homme. Et donc tu vas être reconnaissant envers cet homme selon la portion de la cause qu'il a été dans cette guérison-là et de ce qu'il a fait. Mais tu n'oublieras pas Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est lui en réalité qui est le vrai guérisseur. C'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le vrai guérisseur. Et le cheikh, il dit donc qu'il y a beaucoup de personnes parfois qui se font traiter par des remèdes qui sont très forts et très... Il y en a des médicaments qui ont un effet très fort et par des médecins qui sont des spécialistes dans leur domaine et qui malgré tout ne sont pas guéris. Souvent ça arrive. On va te donner les meilleurs médicaments, on va te donner le meilleur spécialiste et les meilleurs médecins et malgré tout tu ne vas pas être guéri. Et ça c'est la preuve que la guérison elle est uniquement entre les mains d'Allah et non pas entre les mains de ce médecin-là. Le médecin il n'est qu'une cause parmi les causes. Ensuite, le cheikh il parle maintenant des fruits qui découlent de la foi en les messagers. Et ça aussi c'est un point très important. Donc il dit min thamarat al-iman bil rusul awwalan al-ilm bi rahmatillahi ta'ala wa 'inayatihi bi khalqihi حيث ارسل اليهم اولئك الرسل الكرام للهداية والارشاد. Donc ici on voit que le premier fruit que le cheikh a mentionné, il est semblable à celui qu'on a mentionné pour les livres. Et c'est-à-dire que le premier fruit qui découle de la foi en les messagers, c'est le fait de connaître de connaître que Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux et qu'il se préoccupe de ses créatures, du fait qu'il leur a envoyé ces messagers, ces nobles messagers-là pour la guidance et pour les orienter. Et il mentionne que ce hadith, il y a un hadith à ce sujet-là justement dans le Sahih de l'imam al-Bukhari et dans le Sahih de l'imam Muslim selon al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu. Donc, Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, il explique maintenant la signification de ce premier fruit. Et il dit donc que Nahnu idha amanna bir rusul أوجب لنا ذلك أن نعلم رحمة الله تعالى بالخلق لأنه لولا الرسل ما اهتدينا ولولا الله ما اهتدى الرسل ولولا الله ما اهتدى الرسل ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فالرسل هم الهداة الأدلاء الأدلاء على خير ولولا أنهم أرسلوا ما عرفنا كيف نعبد الله يعني لو سلمنا بأننا نعرف الله معرفة إجمالية وأن كل مخلوق يعرف أن لا بد له من خالق عقلا فإننا لا نستطيع أن نعبد الله فإننا لا نستطيع أن نعبد هذا الخالق لأنه من الذي لأنه من الذي يستطيع أن يعرف كيف يتوضأ ويصلي أو يصلي أو يزكي أو يصوم أو يحج لا أحد لا أو لا أحد يستطيع إلا بهداية الله تعالى على أيدي الرسل. Donc ici le cheikh il explique ce premier fruit. Et il dit donc, yani nous avons donc cru en les messagers. Hein? Nous avons donc cru en les messagers d'Allah. Et il dit, أَوْجَبَ لَنَا ذَلِكَ أَنْ نَعْلَمَ رَحْمَةَ اللَّهِ. Et donc cela, ça nous oblige de connaître la grâce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait à cette création et à la miséricorde qu'il a fait à cette création. Parce que si ce n'était des messagers, nous n'aurions pas été guidés. Et si ce n'était d'Allah, les messagers eux-mêmes n'auraient pas été guidés. Et c'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait, comme c'est rapporté dans le hadith, hein, il dit, « Allahumma, ô Allah, sans toi, nous n'aurions pas été guidés. Et nous n'aurions pas non plus donné en aumône, et nous n'aurions pas non plus fait la prière, la salat. » Donc c'est pour dire que les messagers eux-mêmes sont ceux qui ont été guidés et qui guident les autres vers le bien. Et sans les messagers, hein, sans que les messagers soient envoyés, on n'aurait jamais su. On n'aurait jamais su comment adorer Allah. C'est-à-dire que, il dit, supposons qu'on on arriverait à connaître Allah subhanahu wa ta'ala de façon yani général, et que toutes les créatures, yani que toutes les créatures savaient, hein, rationnellement et logiquement qu'il faut qu'il y ait un créateur. C'est-à-dire, on arrive à la conclusion logique en observant la création qu'il y a un créateur, il y a un maître, il y a un être puissant. Hein? Mais malgré cette connaissance et malgré ça, on n'est pas capable, hein, d'adorer ce créateur. Et qui serait capable de savoir donc comment prier, comment se purifier, comment prier, comment jeûner, comment faire la zakat, comment faire le hajj? Personne ne serait capable de le faire, excepté par la guidance que Allah nous a donnée par l'intermédiaire de ses messagers. Il dit, وَمِنْهَا أَيْضًا أَنْ نَعْلَمَ عِنَايَةَ اللَّهِ بِالْخَلْقِ حَيْثُ لَمْ يَتْرُكْهُمْ سُدًا بل أرسل الرسل وبين الطرق وحذر من المخالفة ورغب من الموافقة وهذا كله يدل على عناية الله سبحانه وتعالى بهؤلاء الخلق. Donc le cheikh explique qu'ensuite que parmi les bienfaits également et parmi les fruits de la foi en les messagers, il y a que Allah subhanahu wa ta'ala, il y a que on va connaître le fait que Allah subhanahu wa ta'ala il se préoccupe de sa création. Hein? Parfois vous entendez certains athées ou certains mécréants qui disent si Dieu existait, il nous aurait pas laissé comme ça sans rien. Et la réalité, c'est que ces gens-là sont en réalité en train de mentir sur Allah, puisque Allah, subhanahu wa ta'ala, au contraire, il ne les a pas abandonnés, il ne les a pas laissés sans rien. Il leur a révélé, il leur a envoyé des messagers et des livres pour leur montrer la guidance. Le problème, c'est que souvent, ces mécréants-là et ces athées, ils voudraient eux-mêmes être des messagers. C'est-à-dire, ils voudraient que Allah leur parle à eux directement. Hein? Ils disent, mais pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a parlé à des messagers, mais pourquoi il ne m'a pas parlé à moi directement? Et Allah subhanahu wa ta'ala il a mentionné ça dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit, بَلْ يُرِيدُ كُلُّ مْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُّنَشَّرًا. Chacun d'entre eux, il souhaiterait recevoir yani, des pages ouvertes hein, pour eux. Et expliquer donc qu'ils voudraient eux-mêmes recevoir une révélation divine de la part d'Allah pour être convaincus que Allah existe. Hein? Non, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous ait envoyé des messagers, c'est suffisant pour qu'on puisse connaître la guidance. Mais quand des gens sont trop orgueilleux et arrogants et qu'ils refusent les preuves et les signes qui viennent d'Allah, hein, eh bien ça c'est parce qu'en réalité ils ne sont pas vraiment croyants. Et le cheikh, il dit ensuite, donc également, il s'est préoccupé de sa création, il ne les a pas abandonnés sans rien, sans responsabilité, sans devoir à accomplir, sans chose à respecter. Plutôt, il leur a envoyé des messagers et il leur a expliqué le chemin à suivre et il les a avertis des voix qui contredisent hein, le droit chemin, et il leur a donné donc les indications et les règles pour suivre hein, et être en accord avec ce que les messagers ont enseigné. Et tout ça indique donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il se préoccupe de sa création et il a une attention particulière pour sa créature. Le point numéro 2, parmi les points qu'on peut tirer des fruits, qu'on peut tirer de la foi en les messagers, hein, il y a le deuxième qui est mentionné ici. Il dit, وَثَانِيًا شُكْرُهُ تَعَالَى عَلَى هَذِهِ النِّعْمَةِ الْكُبْرَى. C'est-à-dire, encore une fois, l'exemple qui est mentionné, c'est qu'on doit être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour cette immense grâce. Hein, pour cette grande grâce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a faite d'avoir envoyé des messagers. Et il dit ici, l'explication de ça, il dit, فَإِرْسَالُ الرَّسُولِ نِعْمَةٌ كُبْرَى عَظِيمًا أَبْلَغَ مِنْ أَيِّ نِعْمَةٍ فِي الدُّنْيَا مَهْمَا عَظُمَتْ وَنَحْنُ إِذَا اعْتَقَدْنَا أَنَّهَا نِعْمَةٌ وَأَنَّهُ يَجِبُ شُكْرُهَا فَإِنَّنَا سَوْفَ نعتني بما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام علما وفهما وعملا ولهذا قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته هذا الفهم وليتذكر أولو الألباب وهذا العمل فالقرآن لم ينزل لمجرد التلاوة فقط بل نزل للتلاوة يعني ولبركته وإذا إذ الحرف بعشر حسنات لكن الأهم من ذلك هو تدبر الآيات وتفهمها والعمل بها ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Donc le cheikh il explique ici que les messagers hein, le fait d'avoir envoyé les messagers, c'est une des grandes grâces et même c'est peut-être la plus grande de toutes les grâces. Il dit, puisque yani, c'est une grâce qui est encore plus grande que toutes les grâces qu'on peut avoir dans cette dunya, même si dans la dunya il y a des grâces qui sont immenses, mais il n'y en a aucune d'entre elles qui peut être plus grande que le fait d'avoir justement reçu les messagers et d'avoir eu des messagers. Et il dit donc, nous croyons donc, si on, il dit, si on croit que dans cette dunya, il y a de nombreuses grâces que Allah subhanahu wa ta'ala nous a faites et pour lesquelles il est obligatoire pour nous d'être reconnaissants. Et donc, à ce moment-là, si on est conscient de ça et si on reconnaît ça, eh bien, on va donner encore plus d'attention et on va se préoccuper encore plus de ce que les messagers ont envoyé, hein, et ce avec quoi ils sont venus, de ce avec quoi ils sont venus comme science, comme compréhension et comme application et comme pratique aussi. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 29, dans Sourate Sad, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset-là, c'est un livre que nous avons fait descendre, hein, vers toi, qui est béni, pour qu'il réfléchisse sur ces versets et sur ces signes. Et il dit, ceci, c'est la compréhension. Hein, ça, c'est l'aspect de la compréhension qui nous est ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala d'essayer de chercher à comprendre sa révélation. Et ensuite, il dit « Waliyatadhakkara ulul albab ». Et ici, pour que se rappellent les hommes qui détiennent la raison, c'est-à-dire ceux qui détiennent la raison ici, ça c'est par rapport à l'action et la pratique du livre. Et il dit le cheikh que le Coran, il n'a pas été révélé uniquement pour qu'on le récite seulement. Parce que yani, beaucoup de musulmans, ils récitent le Coran uniquement pour obtenir la bénédiction et les récompenses pour chaque hasanat, pour chaque lettre qu'ils récitent. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'on aura 10 hasanat. Donc, ils récitent le Coran pour les hasanat. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus important que les 10 hasanat que tu obtiens par lettre. Et qu'est-ce que c'est quoi cette chose qui est plus importante que ces hasanats-là? Eh bien, c'est le fait de méditer et de réfléchir et de chercher à comprendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et de le mettre en pratique, de mettre en pratique cette guidance. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset, donc, pour qu'ils réfléchissent sur ces signes et pour que ceux qui détiennent la raison se rappellent. Et le cheikh, il dit ensuite, وقال شيخ الإسلام رحمه الله لو أن الناس أعطوا كتاب طب مثلا ليعلموا به ليع donc ici ça doit être une faute ici oh ليعلموا ça se peut que ce soit ليعلموا mais je pense que c'est ليعملوا الله أعلم donc il dit le cheikh Il cite la parole ici de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit, لو أن الناس أعطوا كتاب طب مثلا ليعلموا به فإنه لا يمكن لمن أخذ هذا الكتاب ليعرف به الطب أن يستغني عمن يشرحه له ولا يمكن أن يدعه بلا تفهم لمعناه وهذا هو طب جسدي ولأمر زائل فكيف بطب القلوب الذي هو القرآن إذن فلا بد أن نفهم معاني هذا القرآن لنعمل به Donc ici le cheikh il dit que Ibn Taymiyyah a dit si les hommes on leur donnait un livre de médecine par exemple pour qu'ils le connaissent et il dit il ne serait pas possible pour eux de mettre ou de prendre ce qui est dans ce livre-là et de connaître la médecine sans avoir quelqu'un pour leur expliquer la signification de ce qui est dans ce livre-là, dans ce livre de médecine. Et donc, il n'est pas possible pour eux de laisser donc ce livre sans essayer de le comprendre sa signification. Et là, on parle de la médecine du corps. Qui est une chose qui est yani, éphémère. C'est-à-dire que la médecine du corps, c'est pour quelque chose qui est temporaire et qui va disparaître un jour, puisqu'il y a une fin à ce monde. Alors, que dire de la médecine des cœurs, qui est le Coran, hein? par lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné la médecine des cœurs et de l'âme. Et donc, il dit, eh bien, dans ce cas-là, c'est clair qu'il faut encore plus comprendre sa signification, hein, la signification de ce Coran, pour qu'on puisse le mettre en pratique. Déjà, l'exemple que le Cheikh Ibn Taymiyyah il donne ici, c'est un exemple merveilleux, parce que si on donnait à des gens, par exemple, un livre de médecine, et qu'on disait aux gens, non, c'est juste pour lire, hein, vous allez juste le lire, mais vous n'allez pas essayer de le comprendre, puis vous n'allez pas essayer de le pratiquer. Alors, ça serait inutile, ce livre-là, il servirait à quoi? Hein? Un livre de médecine, si on ne va pas le chercher à le comprendre, et si on ne va pas chercher à le mettre en pratique, ce livre de médecine, il sert à quoi réellement? Il sert à rien. Et donc, ça, c'est la médecine du corps. C'est quelque chose qui va avoir une fin, parce que la vie, elle est pas éternelle. Il dit, tandis que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Coran, eh bien, ça, c'est pour quelque chose de beaucoup plus important que la médecine du corps. Puisque la médecine du corps, hein, c'est pour cette vie d'ici-bas seulement. Tandis que le Coran, c'est pour nous guider justement pour la vie éternelle. Hein, pour nous guider vers quelque chose qui nous amène à la vie éternelle. Donc, c'est beaucoup plus important que le livre de médecine. Et donc, c'est la preuve qu'on ne doit pas le lire juste pour le lire, mais on doit le lire pour le comprendre et pour le mettre en pratique. Ensuite, le cheikh, il dit comme troisième fruit, parmi les fruits pour lesquels on... parmi les fruits qui découlent de la foi en les messagers, il dit « Mahabbatur rusul wa tawqiruhum wa thana'u alayhim bima yaliqu bihim ». Donc il dit, parmi les fruits de la foi en les messagers, il y a justement l'amour des messagers, le fait qu'on les aime et qu'on a du respect pour eux et qu'on fait leur éloge par ce qui leur convient, hein, et le fait de croire en eux, c'est un des fruits, le fruit d'avoir l'amour pour eux. Et le cheikh il dit, هذا أيضا من ثمرات الإيمان بالرسل وأن نحب الرسل حتى من لم يرسل إليك فإنه يجب عليك محبتهم وتوقيرهم واحترام يجب عليك محبتهم وتوقيرهم واحترامهم وتعظيمهم حتى لو أن أحدا سب رسولك فإنه لا يحل لك أن تسب رسوله احتراما للرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام في أي زمان. Donc ici le cheikh il dit donc que ça aussi, ça fait partie des fruits de la foi en les messagers, c'est que tu aimes les messagers. Et il dit que même si le messager en question n'a pas été un messager qui a été envoyé pour toi, c'est-à-dire que même les messagers précédents qui ont été envoyés à d'autres peuples, il est obligatoire pour toi de les aimer, hein, et de les respecter, et d'avoir de l'estime pour eux. Et de les honorer. Et il dit, même si une personne parmi les koufars, par exemple, qui ont reçu un messager parmi les messagers précédents, parmi les juifs et les chrétiens, par exemple, s'il insulte ton messager, il insulte ton messager, eh bien, il dit, ça ne rend pas licite et ça ne te permet pas d'insulter son messager à lui, puisque en réalité, on est obligé de croire en tous les messagers, même les messagers qui n'ont pas été envoyés à nous. Et ce sont tous nos messagers de toute façon. Et on doit les respecter à toutes les époques dans lesquelles ils sont, peu importe l'époque où ils sont venus et le peuple pour lequel il a été envoyé. Et il dit ensuite le cheikh, وَكَذَلِكَ أَثَّنَاءُ عَلَيْهِمْ بِمَا يَلِيقُ بِهِمْ لا أن يخرجهم الإنسان بالثناء عن طور العبودية فأثني عليهم بما يليق بهم وأحسن وصف للرسول صلى الله عليه وسلم ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وقال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، فهذا أحسن ثناء، يعني عبد، وما أفخر الإنسان إذ كان عبدا لله ورسولا، وما أعظم حق من كان رسولا إلى الخلق، فحينئذ تعطيه حقه في جانب الله وحقه في جانب الخلق، وهذا أحسن وصف للرسول صلى الله عليه وسلم. Donc ici le cheikh il dit que également le troisième point, donc on a dit qu'il faut les aimer, les messagers, et aussi il faut faire leur éloge par ce qui leur convient. Et il ne faut pas que tes éloges que tu fais pour les messagers les fassent sortir de la description qu'ils ont, c'est-à-dire qu'ils sont des serviteurs et non pas des divinités. Et donc il ne faut pas les glorifier au point où tu les élèves de ce degré-là et que tu en fais des divinités comme les chrétiens ont fait avec Jésus par exemple. Et donc il dit ici tu les glorifies et tu fais leur éloge par ce qui leur convient. Et la meilleure description que tu peux faire du messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est la description qu'il s'est faite de lui-même sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit je ne suis qu'un esclave. Alors dites esclave d'Allah et son messager. Et donc le cheikh il dit, et ça c'est la meilleure description, c'est la meilleure éloge, le fait d'être un esclave d'Allah, c'est une fierté en réalité. Parce que certaines personnes considèrent que d'être un esclave c'est une honte. Et ils ne réalisent pas que le fait d'être un esclave d'Allah, ça c'est au contraire, c'est pas une honte, c'est une fierté, c'est un honneur. Et donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ici qu'il est un esclave, eh bien c'est parce qu'il est un esclave d'Allah, et ça c'est un honneur. Il n'y a rien de plus, il y a rien qui peut rendre un homme plus fier, une créature plus fière que d'être un esclave d'Allah et en plus d'être son messager. Et donc il n'y a pas un droit plus élevé parmi les droits des êtres humains que le droit du messager pour la créature, pour les créatures. Et donc à ce moment-là, il faut comprendre que il faut lui remettre son droit vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut remettre son doigt également vis-à-vis des créatures. Et donc, comme la description que le messager sallallahu alayhi wa sallam s'est donnée lui-même sur ce plan-là est donc la meilleure et la plus belle description et la plus belle caractéristique qu'on peut donner au messager. Et il dit ensuite وَأَمَّا أَن تُثْنِي عَلَيْهِمْ بِمَا لَيْسَ فِيهِمْ فَلَا مِثْلَ فَلَا مثل من يقول إن محمدا يعلم الغيب وأنه يدبر الكون كقول البوصيري في بردته المشهورة يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم الحادث العمم أو الحادث العام كالزلزال والفيضانات وما أشبه ذلك ويقول ما لي من ألوذ به سواك إذن الله لا يلوذ به وهذا شرك بل أعظم من الشرك فهذا توحيد للرسول صلى الله عليه وسلم بالربوبية ونسيان الله تبارك وتعالى. Donc ici, le cheikh, il dit, tandis que si quelqu'un, il va faire l'éloge du messager et il va le glorifier par ce qu'il n'a pas et par ce qui ne lui convient pas, par exemple, comme certains parmi les soufis et certains parmi les égarés qui disent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam connaît le ghaib, il connaît l'avenir, il connaît l'invisible, ou bien que c'est lui qui contrôle la création. L'exemple de la parole de Al-Busayri dans son poème qu'il a écrit sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on appelle Al-Burda, Et dedans, il s'adresse au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il le décrit par des caractéristiques de divinité, en fait. Hein? Et donc, ça, c'est du shirk majeur, et même que c'est pire. Le shaykh dit c'est pire que du shirk. Hein? Il dit dans son poème, « Ya akram al-khalq ». Il dit, « Oh, toi, la meilleure des créatures. »« Ma li man aloudhu bihi siwaka ». C'est-à-dire, « Je n'ai personne vers qui chercher refuge autre que toi. »« عند حلول الحادث العمم » Lors de l'événement, hein, le grand événement général, c'est-à-dire l'événement de catastrophe qui se produit dans le monde, s'il y a quelque chose qui arrive, comme par exemple un tremblement de terre ou une inondation ou quelque chose comme ça, eh bien, il dit, il n'y a personne en qui je peux chercher refuge autre que toi. Donc, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que même Allah, on ne cherche pas refuge en lui. C'est seulement en le messager qu'on cherche refuge. Et il dit, le shirk, donc ça, c'est du shirk majeur. Et il dit même que c'est plus grave que le shirk, même parce que là, tu es en train de donner au messager toute la rububiyya. Et tu oublies Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il dit ensuite un autre exemple. Il dit وَقَالَ أَيْضًا إِنْ لَمْ تَكُنْ أَخِذًا يَوْمَ الْمَعَادِ يَدِي عَفْوًا وَإِلَّا فَقُلْ يَا زَلَّةَ الْقَدَمِ فَمَنْ الَّذِي يُعَاقِبُ يَوْمَ الْمَعَادِ عَلَى هَذَا الْبَيْتِ الرسول عليه الصلاة والسلام يعني إن لم تكن عافيا عني فقل يا زلة القدم فجعل الله في الدنيا والآخرة لا نصيب له ثم قال فإن من جودك الدنيا وضرتها وإن من علومك علم اللوح والقلم يعني من جودك يعني ليس كل جودك يعني بل من جودك بل من جود الدنيا وضرتها وهي الآخرة ومن علومك يعني من علومك يعني علم اللوح والقلم يعني بعض علومك وإلا فإنك تعلم أكثر من هذا وقال بعض العلماء ماذا جعل لله بعد ذلك إذا كانت الدنيا والآخرة من جود الرسول صلى الله عليه وسلم فما بقي لله شيء وهذا لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لو سمعه لقتل من قاله لأنه إذا كان يقول لمن قال ما شاء الله وشئت أجعلتني لله ندا فكيف بمن يقول مثل هذا الكلام Donc il dit le cheikh ici ensuite que ensuite Al-Busayr il dit dans son poème Al-Burda si tu n'es pas là pour me prendre par la main au jour de la résurrection pour me pardonner, alors dans ce cas-là, dit, mon pied il va glisser. Sinon, mon pied il va glisser. Il dit, c'est-à-dire que c'est qui, le cheikh dit, dans ce cas-là, c'est qui va punir au jour de la résurrection, selon ce verset, ou bien selon ce, pas ce verset, mais selon ce vers de poésie. C'est qui est-ce qui punit au jour de la résurrection? Est-ce que c'est le messager? Parce que qu'est-ce que ça signifie cette parole? Ça signifie, c'est-à-dire, si tu ne me pardonnes pas, alors dans ce cas-là, je vais périr au jour de la résurrection. Et donc, il a donné, il a enlevé toute part à Allah dans cette dunya et dans l'au-delà. Ensuite, il dit encore, un peu plus loin dans son poème, il dit, « Et parmi tes merveilles, il y a la vie d'ici-bas et sa co-épouse, c'est-à-dire l'au-delà. » Et il dit, et parmi tes sciences, il dit, bon, donc parmi tes merveilles, il y a la dunya et l'au-delà. Donc il y a d'autres merveilles, mais ça c'est juste une part. La dunya et l'au-delà, c'est une part de la merveille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, et parmi ta science, donc c'est-à-dire ça c'est une partie de sa science, c'est quoi? La science de la table préservée et de la plume. Donc la table préservée, la plume, c'est la connaissance de tout ce qu'il y a, écrit juste dans la création jusqu'au jour de la résurrection. Donc la connaissance du raïb. Et donc il dit ça c'est de la science, c'est-à-dire une partie de la science du messager. Ça veut dire qu'il connaît bien plus que ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est en train d'attribuer ou de donner à une créature qui est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, la science hein, d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il donne également au messager, il attribue au messager la création des cieux et de la terre. Et le cheikh, il dit, donc ça veut dire donc que, en réalité, certains ulama ont dit à ce sujet-là, donc il a rien laissé à Allah, subhanahu wa ta'ala. Il dit, puisque si la dunya et l'au-delà font partie des merveilles du messager, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui reste donc à Allah? Et il dit, et donc il ne reste rien, puisque le messager, hein, il dit, puisque le messager, c'est lui qui a tout ça. Et il dit donc, si le messager, si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait entendu Al-Busayri réciter ces poèmes-là devant lui, il l'aurait probablement exécuté. Il dit, la raison de ça, c'est que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu un homme qui disait juste une parole, « Masha'Allah wa shi'ta », il a dit, « Ce que Allah a voulu et toi, hein, ce que Allah a voulu et toi ». Et il a dit, est-ce que tu veux me mettre un égal avec Allah? Est-ce que tu veux faire de moi un égal avec Allah? Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça juste à un homme par rapport à une parole qu'il a dit, hein, ce que Allah a voulu et toi, et il a dit, est-ce que tu veux me faire de moi un égal avec Allah? Alors imaginez s'il entendait la parole de Al-Busayri. Hein? Allah al-Musta'an. Et il dit ensuite, والعجب, donc même Ali radiallahu anhu, il a fait brûler vivant des chiites qui disaient qu'il était Allah, hein, il les a fait brûler parce qu'ils disaient qu'il était Allah. Donc imaginez, hein, qu'est-ce que les salafs auraient dit s'ils auraient entendu ce genre de propos à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh, il dit ensuite, والعجب ان الذين ابتلوا ببدعه, hein, الذين ابتلوا ببدعة الاحتفال بالمولد يرددون مثل هذا الكلام ويرونه من أفضل ما يكون مما يدل على أن البدعة لا تجر إلا إلى بدعة وبلاء. Donc le cheikh, il dit, et ce qui est surprenant encore, c'est que ceux qui ont été éprouvés par la bid'a de la célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils répètent ce genre de paroles et ils considèrent que c'est les meilleures paroles qu'on peut prononcer, les meilleures choses qu'on peut dire. Et il dit, ça c'est la preuve que la bid'a, elle amène toujours vers ce qui est encore plus grave comme bid'a et comme malheur. Donc tout ça c'est des exemples. Et il dit ensuite, et on va terminer avec ça, il dit, وَمَحَبَّةُ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ تَسْتَلْزِمُ اتِّبَاعَهُمْ, اتباعهم, محبة الرسل عليهم الصلاة والسلام تستلزم اتباعهم ولا بد, لأن كل حبيب يرنو إلى حبيبه وينظر ماذا يفعل حتى إنه ليقتدي به ليس في أعماله الاختيارية فحسب بل حتى في أعماله غير الاختيارية كما لو كان محدبا تجده يمشي محدبا, يعني كما لو كان يتمايل في مشيته خلقة تجد هذا يتمايل في مشيته مثلا عن الأعمال الاختيارية فإن كل إنسان إذا صدقت محبته للشخص فسوف يكون هذا الشخص أسوته وقدوته. Donc il dit, l'amour des messagers, elle implique qu'on les suive, hein? Il dit, parce que quelqu'un, yani, quand il aime quelqu'un, il veut toujours regarder ce qu'il fait et essayer de le suivre, même dans des choses qu'il fait qui sont pas volontaires parfois. C'est-à-dire, des fois, il y a des gens qui ont des habitudes dans leur façon de marcher. Peut-être qu'ils ont une façon de se balancer en marchant ou quelque chose comme ça. Eh bien, les gens, quand ils aiment une personne, ils vont même essayer de l'imiter, même dans ces habitudes-là, qui ne sont pas volontaires. Donc, que dire, donc, dans ce cas-là, de la personne qui prétend aimer les messagers? Il doit, donc, essayer de le prendre comme un modèle et un exemple et